les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Énigme, enquête, puis raisonnement, et enfin solution. Tout est dit. Claude Aveline fut, entre autres, l'auteur de plusieurs romans policiers réunis sous le titre de « Suite policière », roman dont il allait brièvement raconter la genèse. Mais il allait surtout, et plus longuement, conter l'histoire du roman de mystère, du mystère expliqué au cours d'une conférence donnée dans le cadre de l'Université des Annales, dont le sujet était tout simplement, tout modestement, tout orgueilleusement, le roman policier est-il un genre littéraire ? Ce qui ne fut pas toujours évident pour les critiques, longtemps obstinés à ignorer la littérature policière. Les grandes conférences, première diffusion sur France Culture, le 30 août 1968. À un chroniqueur qui lui demandait ce qu'il pensait du roman policier, un écrivain célèbre dans le monde a répondu avec une brutalité dont vous allez apprécier les termes « J'ai bien trop de respect pour l'art littéraire pour considérer que le roman policier en fasse partie à quelque degré que ce soit. C'est une industrie et rien de plus. » Qui parle ainsi ? Cette condamnation péremptoire, définitive, celui qui la prononce, c'est M. Georges Simenon. À un autre chroniqueur, il a répliqué « Mais je ne me suis jamais considéré comme un auteur de roman policier. C'est un malentendu. Les Maigret, ce sont des sketchs, des croquis, c'est l'ébauche du roman qui va suivre. Ça me sert à essayer quelque chose. » Le père de Maigret assimile le roman policier à une industrie, à un emploi, ou, moins cruellement, aux gammes d'un pianiste, voilà tout. Cette notion de distance, de hiérarchie, entre les romans policiers et ceux qui ne le sont pas, est entretenue par une foule innombrable de lecteurs où figurent d'ailleurs des passionnés du roman policier. J'ai commis dans ma carrière 4 romans policiers. Le premier apparu en 1932, j'avais 31 ans. Il succédait à un roman qui ne devait rien à ce genre, roman intitulé Madame Maillard et qui ouvrait une trilogie, La vie de Philippe Denis. Or, au lieu de poursuivre mon dessein en préparant aussitôt la suite de ce Philippe Denis qui m'était demandé, la tentation m'est venue d'écrire un roman policier. J'ai donc écrit ce roman policier, La double mort de Frédéric Belot. Je l'ai fait précéder d'une introduction fracassante et je n'ai pas craint de la dédier, cette double mort, à un philosophe amateur de romans policiers, mon ami Gabriel Marcel. Il arriva ceci, que ce roman, qui, s'il avait été publié comme tous les autres, serait passé inaperçu des critiques obstinées à ignorer alors la littérature dite policière, força au contraire leur attention, par le nom fameux de son éditeur, Bernard Grasset, autant que par cette préface. Ils réagirent tous devant elle et s'engagèrent dans une sorte de combat pour et contre. Vous devinez déjà ma réponse à l'interrogation « Le roman policier est-il un genre littéraire ?» Oui, le roman policier pour moi est bien un genre littéraire. Bien que la littérature policière anglo-saxonne couvre le monde, un Français peut ne pas craindre d'aborder le problème puisque Robert Louis Stevenson a déclaré un jour que la muse du roman policier était une dame d'origine française. Il y a de bons manuels sur le sujet qui ont paru depuis 1932. En 1937, Une histoire et technique du roman policier par François Fosca. En 1956, une excellente petite histoire du roman policier par M. Ferreidou Noveida. En 1964, le roman policier, tout simplement, par les maîtres de la peur, Boileau Narcejac. Mais ce n'est pas sur ces ouvrages que je prendrai appui. C'est sur une énorme et maintenant ancienne thèse de doctorat ès lettres achevé en 1928 et qui avait pour auteur Régis Messac, mort depuis en déportation. Elle s'intitule « Le détective novel et l'influence de la pensée scientifique ». Régis Messac ne poussait pas son sujet au-delà de 1900, mais avec ses 700 pages de grand format, il le prenait bien avant sa naissance, il en cherchait les sources dans le passé le plus lointain, chez les Perses, les Hébreux, les Arabes et les Grecs, dans les aventures en Perse des princes de Sarandip, dans les Mille et une nuits, dans Édipe roi. Il a oublié l'Odyssée, il a oublié aussi Hamlet. Hamlet et sa reconstitution du crime devant les présumés coupables, procédé typique dans les livres en tout cas, du parfait détective. Il reconnaît qu'il faut un peu de complaisance pour retrouver du roman policier chez les Arabes et dans l'Antiquité, mais il ne se retient pas de la satisfaire. Passant de l'Antiquité au Moyen-Âge, Régis Messac fait une remarque qui mérite l'attention. Messac dit « La présence de la culture scientifique dans une civilisation, dès qu'elle atteint un certain degré, provoque certaines modifications dans la littérature. Ainsi verrons-nous le détective novel suivre dans son développement la même courbe que la science moderne, c'est-à-dire subir une éclipse à peu près totale pendant le Moyen-Âge, faire apparaître ses premiers linéaments aux environs du XVIe siècle, trouver sa première expression précise au XVIIIe et s'épanouir au XIXe. Cette théorie est fort intéressante et paraît juste. Il est évident que le Moyen-Âge, qui baigne dans le mystère et vit avec lui dans une intimité parfaite, ne tente jamais de l'expliquer à l'aide de la raison, puisqu'il le considère à tout coup comme une manifestation surnaturelle. Or, dans la définition du roman policier, le principal élément tient sans nul doute dans ces deux mots, le mystère expliqué. Nous ne serons donc pas surpris de découvrir au siècle de l'encyclopédie et dans l'œuvre du plus rationaliste des écrivains français une page qui a pu servir de modèle à tous les auteurs de romans policiers. Une page qui est un chapitre de Zadig, le chien et le cheval. Vous vous en souvenez, le chien de la reine et le cheval du roi de Babylone, s'étant échappés l'un après l'autre, le premier eunuque et le grand veneur avaient demandé à Zadig s'il les avait vus passer. Zadig avait répondu que non, tout en les décrivant avec une précision extrême. « Vous les avez donc vus, lui dit-on. « Non, dit Zadig, et je n'en avais même jamais entendu parler. » On l'accuse d'un double vol, on l'arrête, on le condamne et on retrouve le cheval et la chienne. Zadig est enfin autorisé à s'expliquer. Et il dit « J'ai vu sur le sable les traces d'un animal et j'ai jugé aisément que c'était celle d'un petit chien. D'autres traces, en un sens différent, qui paraissait toujours avoir rasé la surface du sable à côté des pattes de devant, m'ont appris qu'elle avait les oreilles très longues. Et, comme j'ai remarqué que le sable était toujours moins creusé par une patte que par les trois autres, j'ai compris que la chienne de notre auguste reine était un peu boiteuse, si je l'ose dire. » De la même façon, Zadig fait le portrait du cheval à l'admiration de tous. Ce n'est pourtant pas à cette page que Stevenson faisait allusion quand il évoquait la dame d'origine française. Il pensait à des œuvres moins éloignées dans le temps que nous allons trouver bientôt. Il avait tort. Le mode d'observation et de raisonnement que Voltaire y emploie est bien à la base du roman policier. Il prendra un nom, la méthode de Zadig. Pourtant, il faudra patienter un siècle et franchir l'océan pour trouver une application digne du modèle. Jusque-là, on voit naître le roman noir avec Mrs. Radcliffe et se développer le roman d'aventure avec Fenimore Cooper. La France n'y est pour rien. Ce qu'elle publie, ce sont des mémoires de policiers. On commence à employer l'expression de roman policier, nous la découvrons sous la plume respectable de M. Brunetière. Mais on l'entend d'une façon qui n'est plus la nôtre. Le roman policier est alors un roman où la police joue un rôle, et en général, un rôle assez peu brillant. Tout comme les Mystères de Paris de Gensu, Une ténébreuse affaire et Les Misérables sont considérés comme des romans policiers. Les romans feuilletons qui vont bientôt fleurir la presse parisienne sont déjà en puissance dans des œuvres comme celle-là. Rien de tout cela n'est encore du vrai roman policier. Pour paraître dans le monde, la dame d'origine française doit aller se marier aux Amériques. Le jeune homme qu'elle épouse les rendra illustres. Il est touchant pour un Parisien de penser que les premiers chefs-d'œuvre des detective stories, et les plus grands, car à mon sens ils n'ont jamais été dépassés, se déroulent dans un cadre présumé de Paris, si bien que la rue Morgue, prétendument dans le quartier Saint-Roch, et la rue Duneau, au faubourg Saint-Germain, existent pour beaucoup d'entre nous plus que bien des voies réelles. Aussi la France a-t-elle remercié Edgar Poe par le meilleur hommage qui se puisse offrir à un écrivain étranger, puisqu'elle lui a donné pour traducteur un de ses plus grands poètes. Il ne faut pas oublier que Baudelaire a consacré 17 ans de sa vie à l'œuvre d'Edgar Poe, qui est vraiment maintenant devenue inséparable de la sienne. Malheureusement, elle n'a pas d'écho immédiat. Je ne lui vois qu'un successeur à cette époque, Émile Gaboriau, le créateur de Monsieur Lecoq, qu'admirait Disraeli, Bismarck et André Gide. Gaboriau est un feuilletoniste, et en tout cas, certains de ses ouvrages sont de vrais romans policiers, et c'est à eux que pensait Stevenson. Énigme, enquête, raisonnement, solution. La formule d'Edgar Poe est reprise par Conan Doyle avec un respect dont aucun Français n'a donné l'exemple. Nous nous arrêterons néanmoins, pour achever ce survol des siècles, à deux œuvres françaises nées au début d'une autre et qui ont remporté un succès presque égal à ceux de Conan Doyle, les œuvres de Maurice Leblanc et de Gaston Leroux. Maurice Leblanc a créé Arsène Lupin et Gaston Leroux Rouletabille. Arsène Lupin est, selon l'expression de son père, un gentleman cambrioleur. Rouletabille, un petit journaliste que les hasards de la vie transforment en détective, et quel détective! Arsène Lupin est une version élégante du guignol toujours prêt à rosser le gendarme. En commençant d'écrire la vie d'Arsène Lupin, Leblanc voulait certainement s'amuser en amusant le lecteur. Il voulait plaisanter la méthode rigoureuse et souvent excessive de Conan Doyle. Mais le succès lui a fait prendre son personnage au sérieux, et si Lupin demeure un héros fantaisiste et chevaleresque, l'auteur ne pense plus à sourire de lui. Gaston Leroux, de son côté, a débuté par un ouvrage remarquable, Le mystère de la chambre jaune. Le jeune Rouletabille met à résoudre une suite d'ahurissants problèmes toute l'acuité intellectuelle d'un zadig. Rouletabille était journaliste parce que son père l'était. Gaston Leroux tenait dans un grand quotidien la chronique des tribunaux en y apportant, a dit son cher ami Gérard Boer, un sentiment altruiste et le sens des misères humaines. Il avait écrit une pièce, La Maison des Juges, où il avait mis beaucoup de talent sans qu'elle ait été une réussite. Cet échec l'avait attristé et il s'était juré de prendre sa revanche contre le public et ceux qui le servent. C'est alors qu'il avait composé ses romans policiers, Le mystère de la chambre jaune, le parfum de la dame en noir et tant d'autres qui obtinrent un succès considérable. Pour lui, comme pour Maurice Leblanc, l'accumulation des volumes entraînée par l'appétit des lecteurs a fatalement nui à leur qualité. Nous devons observer que le succès provoque la facilité et, ce qu'il y a de plus blâmable, la répétition. Ce danger du succès pour la création n'est pas du tout, on le pense bien, réservé aux seuls auteurs de romans policiers. S'il apparaît plus précisément dans le genre qui nous occupe, c'est que les lecteurs y sont particulièrement exigeants et passionnés. Voici le moment de chercher pourquoi, en nous posant même la question « Qu'est-ce qu'un roman policier ?» Question qui en provoque aussitôt une autre, préalable. Qu'est-ce qu'un roman ? Nous voilà en pleine pagaille. Il suffit d'ouvrir un manuel quelconque, d'y lire la nomenclature des grands romanciers ou des romans illustres à travers les siècles pour être découragé d'avance. Placés dans une même rubrique, Mademoiselle de Scudéry et Madame de Lafayette, la nouvelle Héloïse et Candide, la Chartreuse de Parme et Dominique, Proust et Radiguet, je ne cite que des auteurs français, le mot roman est devenu un abominable fourre-tout. Ma définition personnelle, eh bien, je citerai plutôt un titre sur lequel j'imagine que nous pourrions nous trouver tous d'accord. C'est « La guerre et la paix » ou en France « La Chartreuse de Parme ».« La Chartreuse de Parme » 1839, « La guerre et la paix » 1876. Comme ces deux titres le prouvent, mon roman idéal ne se contente pas de peindre ou d'évoquer une société à travers ses éléments les plus caractéristiques. Il développe une ou plusieurs intrigues. Il sert ce qu'on a appelé très heureusement l'attrait de l'énigme, support des chefs-d'œuvre romanesques classiques et modernes. L'insolite, jusque dans ses excès, vaut mieux que le banal, qui est excessif en soi, est naturellement insupportable. Edgar Poe, orfèvre en la matière et parlant du roman en général et non pas seulement du roman policier, a posé ce principe. La thèse du roman peut être considérée comme basée sur la curiosité. Chaque étape est disposée de manière à intriguer le lecteur et à aiguiser son appétit d'éclaircissement. Cet attrait de l'énigme, pour quel motif la plupart des romans nés après la Première Guerre mondiale les ont-ils négligés, méprisés même? Eh bien, peut-être précisément à cause de la guerre. Elle avait provoqué une littérature considérable d'actions héroïques ou sordides dans un monde qui était sa proie. Il était donc normal que la guerre finie, je parle toujours de la première, les réactions de l'intelligence et de l'orgueil individuel fussent d'autant plus fortes qu'ils avaient été plus brimés. L'homme est revenu à lui-même. Justement à cette époque, un savant audacieux ouvrait sur les profondeurs de l'âme des perspectives nouvelles qu'un écrivain de génie consacrait par son art. L'un était Freud et l'autre Marcel Proust. Notons que tous deux avaient entrepris leur œuvre avant 1914. Mais il avait fallu le bouleversement de la guerre et ce retour sur soi pour les élever l'un et l'autre au premier rang, pour provoquer à leur égard, chez la plupart des jeunes romanciers, une attention exclusive. Si donc Freud et Proust demeurent des maîtres, nous pouvons déplorer l'énorme production de leurs disciples d'entre les deux guerres qui donne la sensation, trop souvent, d'un arrêt, d'un piétinement. Et nous comprenons du même coup le succès remporté alors par le roman policier. Nous nous en étonnerons encore moins depuis 1945. Le second cataclysme a été encore plus effrayant que le premier, dans la mesure où les notions traditionnelles et les lois entre guillemets, de la guerre, se sont englouties dans un maelstrom d'horreur divinisée. La vérité a dépassé la fiction la plus inimaginable. D'où la même réaction que dans les années 20, qui aboutit aux expériences romanesques de laboratoire, au refus concerté de toute action, de tout sentiment, de toute pensée directement accessible au lecteur. Résultat, les lecteurs se jettent sur les grands romans étrangers qui satisfont toujours, eux, l'attrait de l'énigme, sur les grands romans français au fur et à mesure qu'ils reparaissent dans les collections de poche, et sur les romans policiers. Pour les lecteurs difficiles, justement, c'était le roman policier, avant tout, un problème posé qui excitait, qui devait exciter l'esprit, non moins qu'au noble jeu des échecs. L'extrême précision des faits ne permet alors, et heureusement pas, d'y découvrir l'ombre trop souvent douloureuse d'une expérience personnelle. On ne peut y prendre qu'une place, celle du personnage qui recherche les effets et les causes. D'où une évasion totale de soi. Pour les autres lecteurs les plus nombreux, une évasion exaltante du milieu où ils sont condamnés à vivre. Aucun genre, même celui de la fiction scientifique, maintenant sérieusement concurrencé par la réalité, ne saurait mieux contenter le goût du merveilleux qui, pour employer un mot à la mode, un mot freudien, est devenu un complexe, et que les romans policiers satisfont chez les descendants de ceux qui ont eu Roland et le Cid pour modèle. Le héros moderne est le détective. Ou plutôt, il l'était. Le héros des jours présents serait peut-être moins le détective que le criminel. Immense floraison actuelle d'un autre type de roman trop facilement classé dans la catégorie du roman policier, le roman de gangsters, de gens affreux, fait paraître innocent le roman noir du siècle précédent. Parce que celui d'aujourd'hui plonge en plein réalisme. Noir, suspense, action, classique, énigme, tels sont par exemple les titres des trois séries d'une collection actuelle. Vous aurez été frappé comme moi de voir le mot énigme accolé au mot classique. Cette catégorie n'est pas la plus goûtée provisoirement. Elle est pourtant la seule qui mérite l'étiquette de roman policier et justifie que nous le tenions pour un genre littéraire distinct des autres, ce qui va m'amener à une dernière confession personnelle. Souvent, je me trouve interrogé sur les secrets de fabrication du roman policier. Je ne les connais pas. Je ne connais d'ailleurs aucun secret de fabrication en littérature, bien que je m'exerce à écrire depuis un demi-siècle. Je ne possède aucune recette, hélas, qui puisse simplifier aucun ouvrage. Quel que soit l'objet, je ne m'assois jamais devant une page blanche sans inquiétude ni angoisse. Puisque j'ai quand même écrit quelques livres, où les policiers tiennent d'ailleurs une place réduite, il faut croire que j'arrive à dominer ma peur. Mais une peur dominée n'est pas une peur disparue. L'écrivain qui ne dispose pas de recettes est un perpétuel apprenti. Mais celui qui en dispose est-il un écrivain ? Beaucoup de lecteurs et d'auteurs supposent que la différence qui sépare le roman policier du roman non policier n'est qu'une question de forme. Vous concevez une histoire qui finit par un crime, puis vous prenez ce crime et vous en faites le début de l'histoire. Je présume que c'est là un secret de fabrication. Je décrirai pour ma part une toute autre manière et nous verrons qu'il s'agit bien de fond. Je me trouvais un jour dans une chambre d'hôtel d'une petite ville que j'aime énormément, La Charité-sur-Loire. Du haut de mon étage, à travers le rideau, je regardais sans la moindre arrière-pensée le charmant jardin de la maison d'en face, une maison cossue, bourgeoise, tranquille. Après quelques instants, j'ai vu son propriétaire qui rentrait en toute hâte, comme quelqu'un qui en a fini avec les obsessions de sa journée, qui a regagné sa retraite, son havre, qui est à l'abri de tout. Il ne se doutait pas que j'étais là. Et moi, derrière mon rideau, le cœur se mettant à cogner, je me suis senti possédé par un être inconnu qui aurait guetté cet homme, non pas cet homme-là, mais un autre homme, un homme qui aurait été malfaisant, néfaste, et que j'aurais guetté, ou celui qui était en moi aurait guetté, pour lui donner la mort. Quelques années plus tôt, à Paris, j'étais allé pour la première fois rendre visite à une personne que je connaissais depuis peu et que j'attendais dans une moitié de salon, si j'ose dire, car la pièce était coupée en deux par une large portière. Je m'étais assis en face, elle descendait exactement au ras du sol, et je remarquais l'angle d'un tapis, certainement posé en losange dans l'autre partie du salon. J'ai imaginé, à la place du tapis, un bras, une main sans vie, qu'un homme blessé à mort de l'autre côté de la portière, aurait lancé en avant pour s'accrocher à cette portière, mais elle aurait simplement glissé le long de l'étoffe avec la chute du corps, et cela s'était passé depuis un bon moment puisque la portière était redevenue immobile. Aucun secours ne pouvait plus venir à ce malheureux-là. Et là-dessus, naquit soudain l'idée d'une projection de cet homme de mon côté, en deçà du rideau. Et elle déclencha ceci. Je venais chercher quelqu'un dans cet appartement. Je le trouvais assassiné dans cette partie du salon. Et à l'instant où je m'approchais du téléphone pour appeler la police, mon regard tombait sur la main morte qui dépassait sous le rideau. Je tirais violemment le rideau et je découvrais le même homme tué de la même façon. Eh bien, je viens de vous décrire là la genèse de deux romans, l'un « Le prisonnier », l'autre « La double mort de Frédéric Belot ». Le second s'est imposé pour moi comme roman policier. Le premier, pas du tout. Pourquoi ? Eh bien, c'est que dans le premier cas, le héros devait dire « je ». Mon prisonnier, celui qui justement était venu m'habiter au moment où j'étais derrière ma fenêtre, c'était incarné de telle manière que l'ouvrage devait se présenter comme une confession. Il ne peut pas y avoir de roman policier à ces conditions. En revanche, la double mort, qui n'était encore qu'une double image, m'avait frappé de l'extérieur. Il fallait tout découvrir de ces deux hommes pareils l'un à l'autre. Naturellement, mon héros pouvait aussi dire « je », et c'est ce qui est arrivé. Mais c'était un héros spectateur, un héros enquêteur, qui n'en saurait jamais plus que le lecteur lui-même. Son histoire ne pouvait donc faire qu'un roman policier. On me dira que l'union de ces deux mots, héros et spectateur, fait contradiction. Eh bien, pas du tout si nous admettons que le roman policier est le roman d'une enquête et le héros, celui qui la mène. Un homme qui cherche, vit et quelquefois souffre au cœur d'une énigme. N'est-ce point là le sujet de maints romans littéraires ? Quant à l'énigme posée, peu importe qu'elle apparaisse sous des dehors extravagants. La vie se charge de nous prouver que tout est possible et que l'imagination la plus folle a moins de ressources que le destin. Qu'est-ce qui nous fait trouver qu'un roman policier est mauvais ? C'est lorsque le mystère se dénoue de n'être pas satisfait par la découverte du coupable, parce que rien dans la présentation et la conduite de celui-ci au cours du livre ne se trouve justifié après coup par cette découverte. Voilà la preuve que la psychologie tient la première place dans le roman policier comme dans le roman tout court. L'art du roman policier est digne d'inspirer les plumes les plus exigeantes. Et si les réalisations qu'il nous propose sont souvent médiocres ou banales, il partage ce regrettable privilège avec tous les genres de romans. Lui, du moins, a presque toujours le mérite de nous distraire dans le sens étymologique et fort du mot, de nous faire oublier, durant quelques heures, un temps par trop chargé de préoccupations en tout genre. C'était Les Grandes Conférences, le roman policier est-il un genre littéraire, par Claude Aveline. Conférence donnée dans le cadre de l'Université des Annales et diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 août 1968. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.